expliquerai ça dans un instant. Je ne suis pas du tout. Bon, on va t'expliquer, d'accord? Ok. D'accord, mais donc c'est chaud. Tu seras là demain avec nous? Oui, ça va. D'accord, ok. Tu bouges pas, Sarah? D'accord, je bouge pas. Ok, à tout de suite. La sœur de Kenza est en direct avec nous. Donc comme ça, on demandera des réactions. On verra comment elle réagit par rapport à sa sœur. Là, il vient d'arriver de l'actualité très chaude sur le loft. Et c'est avec justement Kenza, mais rien de très dramatique. Ce ne sont que des photos volées. Nous reviendrons. Juré, on parlera donc de l'intimité de Julie puisqu'il la connaît personnellement, il a travaillé avec. Ricky Martin dans MyEnergy, c'était Private Emotion, choisi par Félix de MyEnergy pour nos deux standardistes de ce soir. Ouais. Mimou et Aurélie qui font quand même un boulot monstre, qui remplace au pied levé Sandra Moulet, qui a une verrue en fait, elle n'a pas pu venir. Donc voilà, on embrasse Sandra qui doit souvent nous écouter et bonne chance pour ta verrue. Et en fait, moi je voudrais vous expliquer un truc énorme. Yannick, t'es là? Ouais, bonsoir Félix. Ça va Yannick? Bien, bien, ouais. T'as eu les filles toi au standard ou pas? Non, j'ai eu Alex. Ouais, ah, t'as eu Alex, d'accord. Ouais, Alex, ouais. Il fait aussi partie de l'équipe de MyEnergy. Parce que, tu sais, quand on fait passer un auditeur, j'explique pour tout le monde, quand on fait passer un auditeur en direct, en fait, on lui dit, on va approximativement te rappeler vers telle heure, d'accord? C'est bien ça? Ouais, c'est juste, ouais. Bon, et là, Aurélie a trouvé une super parade pour dire, faut pas que votre ligne soit occupée. Tu sais ce qu'elle a sorti une auditrice? Non. Elle lui a dit, tu passes pas de coup de fil, hein, faut pas que ça soit occupé, t'appelles pas le Père Noël, d'accord? T'appelles pas le Père Noël, je trouve ça, bravo, bravo. Le 14 mai, on appellera le Père Noël. Ah ouais. Exactement. Bon, Yannick, tu es passé tout à l'heure dans l'émission, pourquoi toi? Bah, pour faire une dégâts à Céline. Bon, et alors? Et puis elle m'a envoyé un message qu'on devait rester amis, c'est tout. Ah, dommage. Céline, bon, et hey, tu veux pas, Mimou au standard, elle est célibataire. Ah, je vais où, ouais. Attention, elle rougit, hein, tu l'as fait rougir. Bien. Et tu sais ce que tu sais qu'on fait, Yannick? Non, non. Je te la passe. Non, bah je te la passe aux antennes. Ok, ça marche. D'accord. Ok. Bon, t'as envie d'écouter quoi? Madonna. Eh ben, écoute, c'est parti. Ce sera dans deux secondes, d'accord? Ok, ciao. Ciao, mon ami. Ciao, Félix. Et appelez MyEnergy au 0883-1036. Ce n'est pas le numéro du Père Noël, mais bien celui de MyEnergy. Alors mec, toujours à pied? Ben ouais, qu'est-ce que tu veux, comme d'hab? Alors écoute Énergie cette semaine. Et tu sais quoi? J'ai un bon plan pour toi. Bah vas-y, annonce. Branche-toi sur Énergie, il y a des trottinettes, un BMX et un VTT Scott à gagner. C'est de la bombe, man. BS Bikes, le plus gros... Énergie, entre rive droite et rive gauche, un pont de hit. Ça risque de vous faire plaisir, puisque on va pouvoir débattre longuement sur Love Story. Vous... Thank you. de partenaire. Superman, Superman, Spiderman, Spiderman. On peut s'envoler en gardant les pieds sur terre. Joséphine, Joséphine, Colombine, Colombine. Aujourd'hui j'embrasse qui je veux. Je veux deviner, deviner, deviner qui je suis. Derrière mon loup j'embrasse qui je veux. Je veux. Pas s'arrêter de danser avec la compile des auditeurs, mais on reprendra demain le temps de reprendre notre souffle. Je vous rappelle le numéro de téléphone auquel vous pouvez d'ores et déjà nous. Et en direct sur les ondes. Alors, couleur 3, une idée. Couleur 3, un programme. Oh, RSR, idée suisse. 23h, il est 23h. C'est pour tout le monde. Tu l'aimes bien ce petit Eric, aussi, hein. Et puis pour tout le monde, et puis pour les filles qui sont gentilles aussi. Tu l'aimes bien ce petit Eric, hein. Ouais. Ah là là, mais pourquoi tu sors pas avec lui? Il est un peu vieux, hein. Bon, arrête. Arrête, mais attends, mais dans... on avait fait une fois le thème, l'âge, il n'y a pas de souci avec la différence d'âge. Ouais, mais bon, il a quel âge? Au moins 32 maintenant. Ouais, bah t'as vu la moustache qu'il a? Il en a plus que Pascal. Bah non, j'ai jamais vu. C'est vrai, il a les cheveux blancs. Ouais, il a les cheveux blancs un petit peu, ouais, c'est vrai. T'as pas les cheveux blancs toi encore? T'as pas les cheveux blancs comme Eric? Non. En plus, Eric, tu sais, il a des problèmes, il va souvent aux toilettes, il a souvent la colique et tout, mais... Ouais, ouais, ça, c'est Eric, quoi, ça, son âge et tout. C'est triste, mais c'est comme ça, quoi. Non, mais on va trouver quelqu'un d'autre, d'accord? Ouais. Nico, son pote Nico. Ouais. Il a 45 ans. Mais je le connais aussi. Ah bah, si vous êtes des intimes, alors, hein, on va vous laisser. Bon, je t'embrasse. Ouais, moi aussi. En fait, je veux encore te passer une copine. Parce qu'on faisait que d'appeler, on était Fanny Isabelle, donc il n'y a pas de Fanny sans Isabelle. D'accord, et ben passe-moi Isa Fanny alors. Mais non, mais c'est Isabelle. Ah d'accord, Isabelle, passe-moi Isabelle. Ciao. Ciao. Allô. Bonsoir et bienvenue. Salut. Avec le répondeur de My Energy pour laisser un message, tousser deux fois. Oui, alors tu vois, oui, toi. Ouais. Bon bah c'est cool, au revoir. Non. Non, alors qu'est-ce que tu as envie de me dire? Oui. Moi je suis pour que ça soit Kenza qui se casse. Ah bah voilà, bah vous êtes sur la place. Et puis on peut te parler en antenne. Si c'est pas trop sexe, d'accord. D'accord. Ciao les filles. Ciao. Les filles qui ont choisi comme Alberto dans My Energy, Eros Ramazzotti. Je le fais bien. Non mais je suis allé le voir vendredi. Forcément maintenant. C'est la classe quoi. Bella ragazza. Yeah, de parti, qu'est-ce que t'as dit? D'accord. Qu'est-ce que t'as dit? Les fera pas encore arriver. Mais regardez sur TPS, tu le sais énormément, et sur internet. Elle est sur une émission qui est dite publique, où elle est filmée 24h sur 24. Tous les faits et gestes, tous les mots sont entendus. La façon de parler, de s'exprimer. Au même titre que Stevie, d'accord, dont on dit que dans l'entourage de Stevie ne serait pas du tout homosexuel, mais de la façon dont il parle et qu'il converse, on a plus l'impression qu'il est attiré par les garçons que par les filles. Donc après, effectivement, quand ça touche l'entourage propre, je peux bien comprendre. Ça froisse, ça vexe, ça vénère, ça énerve, parce qu'on connaît les mieux que personne. Tu penses bien que les gens qui me connaissent bien également sont souvent très agacés d'entendre dire ce qu'il dit sur moi, mais bon, c'est comme ça, c'est la règle du jeu, c'est médiatique, hein. Oui, bah, je vois bien, mais en tout cas, je... Enfin bon, est-ce que t'as suivi quand même, parce que bon, tu connais ta sœur, mais est-ce que t'as suivi quand même l'actualité, les faits et gestes de ta sœur dans le loft? Bah, pas trop. Eh ouais. Et moi, si tu veux... Je sais que Sylvie a une bonne entente, une bonne complicité avec Laure, il me semble. Ah, écoute, moi, Jean-Pierre, y a quand même des auditeurs qui nous écoutent. Certains suivent quasiment 24h sur 24 les faits et gestes de tout le monde dans le loft. Et lorsque Laure, on va parler de ta sœur, a appris qu'elle était nominée, elle s'est retrouvée dans la chambre avec les filles et a parlé un petit peu avec Kenza, donc qui était l'autre nominée, avec sa sœur Zara qui est avec nous. Oui. Et je vais te refaire écouter, Jean-Pierre, ce que ta sœur pense et dit de Aziz, le premier sortant. Écoute bien, c'est ta sœur qui parle, je l'invente pas. Moi, je pense à ma famille, j'ai envie que quand je les vois, dans leurs yeux, eh ben, qu'ils soient fiers de moi, qu'ils me disent bah, c'est bien ma fille, tu l'as fait. Mais bien sûr, bien sûr. T'as risqué de compromettre ouais. Peut-être plein de choses parce qu'on ne pouvait mais pas moi, savoir. Moi je suis sûre que si on l'a voté contre moi, c'est pas parce qu'on a quelque chose contre moi, mais c'est vis-à-vis de Aziz, j'en suis persuadée. Moi c'est quoi? C'est encore vis-à-vis d'Aziz. Vraiment ce connard, il me fera chier jusqu'à la fin, quoi. Non, ah bah, écoute, putain, ça me poursuivra, quoi. Hein. Enfin, je vois sur le plateau, putain, je fous ma main à la gueule. Hein. Bon, écoute, on verra, hein. D'accord. On verra, et puis c'est pas quand même. Tu sais, c'était il nous aura bien fait chier, hein, c'est clair. Quand même. Ouais, ta sœur, elle est quand même bien remontée face à quelqu'un, quand même, hein. Oui, j'ai... Ouais. Alors que ta sœur a voté contre lui et est alliée pour quelque chose si Aziz est aujourd'hui dehors, donc ça, c'est la règle du jeu, ta sœur est bien remontée. Ça fait partie de la règle du jeu, mais ce que j'entends bien aussi, c'est que là, quoi, ça fait combien? 2-3 semaines? Oui, ça fait 15 jours, ouais. 2 semaines, ouais. Ouais, 2 semaines. Ça commence à aller, non, 3 semaines, là. 2 semaines, 15 jours. Bon, il y a comment... Ça commence une pression quand même. Ça commence à être difficile à vivre. Bah oui, je suis d'accord, mais bon... C'est vrai que les nerfs commencent à craquer. Ils ont aucun moyen de savoir ce qui se passe à l'extérieur. C'est normal qu'elle soit un petit peu impulsif, mais bon, je comprends aussi, oui. Non, mais l'extérieur n'a rien à voir avec le comportement. Ma soeur était enceinte, hein. Non, mais attends, j'ai bien entendu aussi. Mais quand même, ta sœur, si tu veux, attention. Il y a des gens qui sont pros pour ta sœur, d'autres qui détestent la sœur de Zara, donc Kenza, d'autres qui vont détester un tel ou un tel. Donc chacun y a le droit. La règle du jeu, c'est qu'il faut en sortir une. Bah pour le moment, il s'avère qu'effectivement, ta sœur est pas mal partie pour sortir. Bon, la sœur de Zara également, Kenza, est pas très très bien lotie pour le moment. Ça va être une poursuite. Moi, je m'attendais... Bon, bah, tu vois, donc, il faut faire attention aussi, mon petit Jean-Pierre, à tout ce qui se dit, parce que les gens qui m'écoutent beaucoup plus régulièrement et qui ont entendu dire, effectivement, les mots de Laure bourgeoise, Laure machin, il y a forcément des gens qui l'ont dit, je l'ai dit, mais c'est plus par son façon de parler, son intonation, que par... Par le fait qu'elle ait dit qu'elle avait de l'argent, qu'elle avait une jolie villa, une belle propriété, tout ça qu'on a fait dire, bon attends, c'est une sale bourge, elle ne l'a jamais dit ça. C'est plus dans son comportement. Après, ce qui agace énormément dans le comportement de ta sœur pour les gens en général, c'est effectivement qu'elle a divisé pour me régner, qu'elle a effectivement fait courir des bruits, elle en prend un dans le coin et dit oui, lui c'est un con, machin. Pour prendre l'exemple de Stevie, qui est le seul qui a voté contre... Contre Kimi ouais. Et Loana. Concernant Kimi, il a dit que s'il avait voté contre Kimi, Stevie, c'était tout simplement parce qu'il ne voulait pas qu'une fille qui n'était pas dans le groupe de départ gagne. Et qu'après, on a appris par quelqu'un qui suit 24h sur 24 que, en fin de compte, ces mots ont été dits par ta sœur et que lui n'a fait que bêtement répéter. Ouais. Elle a peut-être un impact aussi très fort sur les gens. Bon, bah voilà. Il se crée une famille au départ. C'est vrai que quand certaines personnes finissent par craquer... Bah écoute, Jean-Pierre, moi ce que je te propose, c'est de... T'as l'air ému quand même pour ta sœur, je comprends, hein. Un petit peu. Max, c'est ça, c'est Max. Ouais. Oui, Max, j'ai un ami, Erwan, c'est lui qui m'a surtout briefé sur ton émission. Oui. Il m'avait dit de d'essuyer mes pierres en entrée, c'est ça. Ouais, il va dire une grosse connerie, vas-y, enlève-le, pour voir, 2 secondes. Enlève-le, 2 secondes, pour voir, vas-y, demande-lui aux antennes, qu'est-ce qu'il va te dire. Ah, rien compris, Yannka, elle vient découvrir. T'en dirais que c'est Yannka, on a repris l'antenne, hein. C'est au rouge, c'est allumé, c'est parti, l'émission est repartie. Hein. Qu'est-ce qu'il a dit? Je comprends rien, moi. Ouais, bah oui, parce rien. Que t'écoutes pas. Oui, Max. T'écoutes pas. Max. Vas-y. Mm-hmm. Non, c'est pas une connerie. Hein. Vas-y. Voilà, il vient de dire une grosse connerie? Non. Vas-y. Vas-y, ouais, je t'écoute. Ouais. Ouais, non, en fait, c'est pas... Vas-y. Non, redis... Vas-y, Jean-Pierre, redis. Ah, d'accord. Ça, arrête là, mon petit Jean-Pierre. Non malaise. Moi ce que je te propose Jean-Pierre c'est de venir ici dans les studios si tu veux venir. Parce que si tu veux venir un petit peu donner un petit coup de main à ta sœur et essayer de la défendre et de l'écouter, etc. etc. Il va falloir venir dans les studios peut-être pour pouvoir t'exprimer. Oui. Est-ce que tu veux venir? Bah je sais que la jeune fille que j'ai eue hors antenne vient de me proposer. Ah bah alors en plus ouais. Précédemment. Ouais. Et au départ je lui ai dit que c'était pas possible. Bah que ça serait peut-être entre 10h après 10h30 peut-être. Ouais. Et là je viens de, je crois que ça n'a pas du tout été possible parce que je serais avec ma mère. Par contre si vous avez toujours envie, c'est de ma. Enfin, si vous voulez que j'intervienne à l'antenne en même temps que la sœur de Kenta, c'est ça? Elle est là déjà. Hein. Et bah je. Bon bah bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bah je pourrais éventuellement. Réagir avec ma mère à l'antenne. Ah bah écoute, avec un grand plaisir, parce qu'il va falloir défendre ta sœur maintenant, hein. Bah oui. Bah oui, il faudrait mieux, plus tôt le sera le mieux, parce que si t'attends mercredi ou jeudi pour venir nous voir, il sera trop tard, hein. Les dés seront jetés, comme on dit, alors juste... Je me doute bien. Bah là, mais attends, t'inquiète pas, il n'y a rien de perdu encore pour le moment, c'est parti, la lutte est partie. Non mais t'inquiète pas, de toute façon, c'est une bonne expérience, au pire, à pair, hein, c'est pas... Ouais, mais enfin, c'est ce dont t'as la peur, c'est comment elle va être accueillie dehors. Non, moi je m'inquiète pas pour elle. D'accord. Alors, bon entourage, je m'inquiète pas pour elle. Alors Zara, justement, toi, quand t'as appris que ta sœur faisait partie des nominés, ta sœur, apparemment, il n'y a aucune surprise pour elle. Hein. Mais pas pour moi non plus, je me doutais qu'elle allait être nominée. Hein. Et tu crois réellement que c'est dû à l'histoire de... Avec Aziz? Ouais. Ça fait partie, mais c'est... Y a autre chose aussi à côté. Ça serait quoi? Ça serait son caractère, que il n'y a pas tout le monde qui apprécie. Ça serait sa spontanéité que... Ils aiment pas, ça franchit, je sais pas. Ah ouais, alors que eux, par contre, quand ils l'ont nommé pour un ou deux, bon, tu t'en doutes bien, par exemple, Jean-Edouard le premier. Ouais, bah oui. Lui a expliqué que c'était parce qu'il avait du mal. Et je crois que Christophe aussi, tous les deux, en tout cas, c'était à peu près pour la même chose. Oui, si j'arrive pas à la cerner, ouais. Ouais, voilà, ça. C'est qu'il la trouve un petit peu fausse. Bon, il y a probablement avec l'histoire d'Aziz, où normalement il était censé être solidaire. Ouais. Et non. Pour Fildar, non, pas du tout. Non, Fildar, d'après ah non, moi qui est assidu, hein, qui suit le Loft, hein, qui a toutes les cassettes depuis le début. Ouais, oui, moi aussi, non. Ouais. Bonjour Jenny. Bonjour, bonjour. Ça va bien et toi? Ouais, super. T'es en forme? Ouais. Ou alors tu votes pour qui? Pour Laure ou Kenza? Moi je vote pour Kenza personnellement. Bon. C'est-à-dire que tu veux qu'elle reste ou qu'elle parte? Viel origineller sein, ignorieren Sie die Wunschliste. Cette semaine, qui veut gagner Rome? Pour gagner tous les jours un vol pour deux personnes. Genève, voici la réponse. De 20h40 avec la nouvelle vie de château. Écoutez les réactions des filles, ça déchire carrément les garçons. Ah, Jean-Edouard est très hypocrite. C'est pour ça qu'il m'a nominé. Jean-Edouard est rigole à la face, mais derrière, t'inquiète pas. Moi, t'inquiète pas, je l'ai vu. Philippe, il est bien parce qu'il est neutre. Mmh. Il garde des trucs. Ton concert. Quand je vois tes yeux, je suis amoureux. J'ai perdu la tête. À l'espace Charles Aznavour, location Ticket Corner, office du tourisme, boutique du Jokers Club au casino et Carrefour Seigny. Vente par correspondance au 04 50 40 33 95. Retrouvez toute l'info du bassin lémanique sur Nostalgie. Du lundi au vendredi, l'actualité locale sur Nostalgie, 11 rendez-vous quotidiens. Parce que l'info commence tout près de chez vous. This was on a weakness, all of your cleaner, your pillar. You better watch your back before she turn into a killer. Just review the situation that you call the pinner. To be a true player, you have to know how to play. If she say a night, convince her say a day. Never admit to a word where she say. And if she claim a you tell her, baby, no way. But she caught me on the counter. Wasn't me. Saw me kissing on the sofa. Wasn't me. I even had her in the shower. Wasn't me. She even caught me on camera. Wasn't me. She saw the marks on my shoulder. Wasn't me. Heard the words that I told her. Wasn't me. Heard the screams getting louder. Wasn't me. She stayed until it was over. Honey came in and she got me red-handed. Creepy with the girl next door. Picture this, we were both top making love on the bathroom floor. I had tried to keep her from what she was about to see. Why should she believe me when I told her it wasn't me? Make sure no one said I'm really not a right for Vicks. I never used to see you make the jigger low flex. I somebody else in favor, you in the complex. Seeing is believing, so you better change your spec. Put my stunt down, who you know, my cage. That's spit like me, step on any stage, anywhere. Rip my... Les visions de l'on d'un Non, on y va. Allez. Bon, tu me dis ce qu'il y a devant, ça me dit, parce que moi je vois rien, hein. Celebrate, don't wait too late. So damn. c'est pour manger les feuilles en haut des arbres. Si les chauves-souris ont un sonar, c'est pour croquer les insectes dans le noir. Si les guépards courent si vite, c'est pour rattraper et dévorer leur proie. Et si le partenaire Ushuaïa Nature a une garde au sol surélevée et une suspension renforcée, c'est pour avaler les kilomètres. C'est bien fait, la nature. Découvrez le partenaire Ushuaïa Nature chez votre concessionnaire Peugeot du 7 au 20 mai. La nuit afro-antillaise, la soirée du soleil, bonjour l'été.